Le mot pour dire voir est ber. Ber. Qui s'écrit V-E-R. Avec un V au début. Mais la lettre V à l'espagnol se prononce comme la lettre B. V et B ont le même son. Donc, voir, c'est ber. Ber, avec le V qui se prononce comme un B. C'est d'ailleurs ce qui explique que les hispanophones qui apprennent le français ont du mal à prononcer le V français. Ils ont du mal à faire la différence entre B et V et disent par exemple « boire » au lieu de « voir ». Donc, en espagnol, « voir » c'est « ber » avec un V qu'on prononce comme un B. Pour dire « le voir », le, lo, en espagnol, se place à la fin du verbe, à la fin de l'infinitif. Donc, vous direz berlo, berlo, littéralement voir le. Et à l'écrit, lo est accolé à la fin de l'infinitif. Donc, berlo s'écrit en un seul mot, tout attaché, le voir, berlo. Alors, comment direz-vous « je veux le voir » ? Quiero verlo. Quiero verlo, oui. Et je ne veux pas le voir. No quiero verlo. Bien. No quiero verlo. C'est ça. Encore une fois, je veux se dit. Quiero. Quiero. Et je le veux. Lo quiero. Mais je veux le voir. Quiero verlo. Quiero verlo. En effet, avec le lo accroché à la fin de l'infinitif. Verlo. Voulez-vous le voir? Quiere verlo. Bien. Quiere verlo. Et comment direz-vous? Pourquoi ne voulez-vous pas le voir? Por qué? D'accord. Por qué ne voulez-vous pas? No quiere. Donc, por qué no quiere? Encore une fois, pourquoi ne voulez-vous pas? Por qué no quiere? Ouais. Por qué no quiere verlo? D'accord. Dites-le encore une fois. Por qué no quiere verlo? C'est bien. Hein? Por qué no quiere verlo? Comment dit-on je peux? Je peux, c'est puede. Je peux. Puede. Puede. C'est vous, usted, pouvez. Mais je peux, ça sera. Ah oui, puedo. C'est ça, puedo. C'est je peux. Et vous pouvez, c'est puede. D'accord. Donc, je ne peux pas le voir, se dit no puedo verlo. C'est ça, no puedo verlo. Comment direz-vous, pouvez-vous le voir? Pouvez-vous puede. Puede, c'est bien ça, le voir. Verlo. Puede verlo, ça serait vous pouvez le voir. Je voudrais la question, pouvez-vous le voir? Est-ce que vous pouvez le voir? Puede verlo. Bien. Puede verlo, hein, oui. Puede verlo, pouvez-vous le voir? Tandis que si vous dites puede verlo, c'est une affirmation. Hein, vous pouvez le voir. Puede verlo. Alors, de la même manière, qu'est-ce que vous pouvez voir? Qu'est-ce que vous pouvez? Qu'est-ce que se dit? Que. Que. Hein, qu'est-ce que vous pouvez? Puede. Voir. Ver. Oui. Que puede ver? Et pourquoi ne pouvez-vous pas le voir? Por qué? Por qué ne pouvez-vous pas le voir? No puede verlo. Bien. ¿Por qué no puede verlo?